Ouattara, il est dans le même processus que Houphouët-Boigny. Le président qui était qui a renversé Modibo Keïta ici, avec la bénédiction de Houphouët-Boigny, ce président-là s'appelle Moussa Traoré. Et ce même Moussa Traoré, c'est lui qui a fait arrêter Modibo Keïta, l'a jeté en prison parce que la France l'avait mis en mission contre son propre peuple. C'est le même Moussa Traoré qui a collaboré avec tous ces présidents de la France-Afrique que vous voyez là. Donc, la France a poussé Moussa à combattre le même Thomas Sankara que l'on défend. La France a poussé Moussa Traoré avec, si je dis la France, je dis la Côte d'Ivoire, parce que le rôle historique, les crimes traditionnels de la Côte d'Ivoire, c'est de tuer pour la France. Afrique Média, le monde, c'est nous.